Probablement la chose la plus révoltante qui est survenue depuis, je dirais, le début de l'année 2012. Peut-être depuis le début des années 2000. Tu te sens brimé, hein? C'est terrible. C'est terrible et faudra mettre un stop à ça. Est-ce que j'ai mon matériel sonore? Oui. J'ai ça ici? Oui, celui-là. Hey, quand j'ai entendu ce pub-là, là, je suis devenu indigné, là. Ah, j'ai le goût, moi, de rentrer dans l'association des féministes, là, oui, avec Conradi, là, puis j'ai failli prendre ma carte de Québec solidaire, moi, quand j'ai entendu ça. C'est un scandale! Ouais. Un ouais. Scandale! Scandaleux! Moi, je me suis dit, finalement, là, Françoise David, là, puis Conradi, puis toute cette gang-là, là, ils ont raison. Devant l'excision des femmes. Ah, non, regarde, c'est même pas dans la même ligue, Denis. Non. Non, non, devant non. Ces musulmanes qui doivent se taire et se voiler au nom de leur religion. Ah non, c'est garde. Devant la prostitution juvénile. Devant tous ces sujets d'ordre secondaire. Voici un vrai scandale pour les féministes. Les filles, on le sait, quand on va s'acheter des pneus, on n'est vraiment pas dans notre élément. C'est pour ça que chez Dernier Pneus et Mécaniques, ils ont décidé de mettre sur pied un nouveau concept. La division rose. C'est unique à Québec. Il y a des femmes sur place, spécialisées en pneus et mécaniques, qui sont prêtes à vous conseiller et répondre à toutes vos questions. La division rose va vous permettre de vous sentir enfin en confiance. Faire changer vos pneus sera plus jamais une corvée, c'est moi qui vous le dis. Rendez-vous dans l'une des deux succursales de Dernier Pneus et Mécaniques, 6055 Pierre-Bertrand et 710 Charest-Ouest. Hey Denis, c'est fait, je m'en vais m'acheter une robe en terre cuite, là, puis je me peigne comme Françoise David, puis j'embarque dans Québec solidaire, c'est confirmé, je garde, c'est confirmé. Tu te laisses pousser le poil, c'est fini. C'est fait. Ça fait longtemps qu'en tant que femme... J'ai pas été outré comme ça parce qu'on a tous une femme à l'intérieur de soi. Comment on peut en arriver à quelque chose d'aussi aberrant pour la femme? Dégradant. Y a-t-il quelque chose de plus insultant pour une femme que de se faire traiter aux petits oignons par un vendeur de pneus? Pas drôle, hein? C'est un terrible. Un commerçant qui essaie d'attirer les femmes dans son commerce aussi, c'est épouvantable. Hey, moi, là, quelqu'un qui ose offrir un service, là, ça me dégoûte. Vraiment, là. Ça me dégoûte. La coalition nationale contre les publicités sexistes. Ça, vraiment, ça coche. Qu'est-ce que c'est ça, la coalition nationale contre les publicités sexistes? Quoi, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils voient de sexiste dans cette publicité? Le service rose. Ouais, OK, mais encore. Tout est sexiste. Hey, tout est sexiste. L'air est sexiste. L'oxygène, c'est sexiste pour eux autres. Tout est sexiste. Mettre une robe, c'est sexiste c'est quand sexiste. T'es une fille. C'est féminin, fais pas ça. Je suis en robe et en collant aujourd'hui. Fait que là, je nuis à leur cause, c'est ça? T'entretiens-tu? Je suis bien entretenue. Là. D'un coup, tu serais belle. Non, ça te prendrait une moufette. Idéalement, ça te prendrait ça. C'est ça que ça prendrait. Là. Ah ouais, ça te prendrait une moufette. On va passer mon tour, OK? C'est terrible, cette histoire-là. Il y a vraiment des gens qui ont rien à faire de leur vie triste. Parce que ça prend des vies tristes pour s'attarder à des futilités comme ça. Puis c'est pas une blague, là. Il y a vraiment des gens qui ont pris la peine de s'indigner parce que chez un concessionnaire... J'avais pas un concessionnaire. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un garagiste. Dernier, c'est un garage. Un garage. Un gros garage, justement. Réputé. Qui installe des pneus, qui répare des chars. Lui, il se dit, c'est peut-être plate pour une fille qui vient faire installer ses pneus de s'asseoir entre deux chaises, puis de prendre un café, puis de compter les minutes. On va lui donner un petit attention, un petit traitement VIP. Il y a des gens qui ont trouvé le moyen de s'indigner de ça. Qu'est-ce qui arrive? C'est la couleur rose. Associer la couleur rose à un traitement féminin, ça, c'est un scandale. C'est pire que l'excision des femmes dans des pays tout croche, j'imagine. Ouais, ça a l'air qu'il y a une autre entrée. Il y a aussi une hôtesse en rose. Ben oui, mais véhicule de raccompagnement de couleur rose. Est-ce qu'on force les femmes à utiliser ça? Ben là, Est-ce qu'on les force à prendre la... Si, mettons, je rentre du côté réservé à tout le monde. T'as le droit. Ils me retourneront pas du bord des filles. Là. Mais on s'entend que les femmes, en général, magasiner des pneus, c'est pas ça qui vous intéresse le plus dans la vie. Ça doit vous emmerder profondément. Tu sais, moi, des fois, je trouve un intérêt. Ah, telle grosseur. Ouais. Mais vous autres, les filles, là, excuse, là, mais ça doit pas être tout le temps le fun. Bravo à Dernier qui a fait ce service-là. Bravo! Mais là, bravo! Regarde, c'est une idée parmi tant d'autres. Tout le monde vend des pneus puis propose des installations à peu près en même temps. Puis c'est pas parce que son client est 7 que je dis ça, là. S'il était pas client est 7, je dirais exactement la même chose. Exactement La même chose. Il semble qu'il y a des femmes qui sont dans la misère pour vrai. Là. Ça comme mais vois-tu, la Commission nationale contre les publicités sexistes, là, ils ont l'air très, très, très, très, très occupés. Il y a un site Internet, là, puis eux veulent le retrait des publicités sexistes. C'est ça qu'ils veulent. Je n'en reviens pas! Comme si les femmes avaient besoin d'un service particulier pour aller au garage, parce qu'elles comprennent moins bien que les hommes! Hey, ça, c'est quelqu'un qui est à l'aise dans sa vie, hein, en passant quelqu'un qui dit ça, là. De plus, la couleur rose nous ramène au stéréotype de la princesse et de la fifille. C'est ridicule de voir ça en 2012, affirme la porte-parole Chantal Loca. Il y a du monde qui ont des vies tristes. Hey, ils ont une liste de commerces là, qui vivent sur leur site Internet. Ah, t'as pas pour vrai? T'as les magasins garage. Parce qu'il y a des slogans inappropriés dans les brochures des magasins garage. Est-ce que t'as des exemples de slogans? Non, on n'a pas l'exemple. Il y a la dénonciation, ils disent que c'est les slogans qu'ils aiment pas. Ça date de l'automne 2008. T'as les restaurants Sushi Taxi. Pourquoi? Parce qu'ils ont un slogan qui dit « Mange-moi tout cru ». Ouais, pis? Ils aiment pas ça. « Mange-moi sushi, tout cru ». C'est cru. C'est sexiste. « Mange-moi tout cru ». C'est surtout sexuel. Ils sont malades. On approche du problème. Là, on approche du problème. Parce que oui, hein, quand on commence à parler de sexe, de manger, de satisfaction sexuelle... On leur donne-tu de l'argent, eux autres? Regarde, il y a aussi un concours de danse érotique pour gagner une paire de seins qui était dans leur mire également dans les derniers mois, ces gens-là. Là. Des beaux seins, il faut pas, hein, faut pas valoriser ça. Une belle paire de seins, faut surtout pas parler de ça, faut surtout pas valoriser les filles qui ont des beaux seins. Moi, mange-moi tout cru. C'est-tu moi ou pas méchant comme slogan ça. Non, mais je dis ça de même là, puis je veux pas m'avancer en territoire risqué là, mais ça peut-tu aller dans deux sens ça, par hasard bon là. C'est vraiment ces bons dossiers, hein, ces gens-là, c'est vraiment ça va bien dans pourquoi? Votre tête, là. Pourquoi ces gens-là? Quand ça touche le sexe, le plaisir et les gens qui s'assument et qui sont heureux dans leur vie, c'est des gens qui deviennent déstabilisés, qui en perdent le sommeil au point de faire une coalition en 2012 pour quelque chose de complètement irrelevant et de faire des sorties pour des conneries pareilles. C'est dès que ça touche à la féminité qu'ils sont pas contents. Il y en a contre le rose, hein, contre la couleur rose. C'est un peu ça qu'ils disent un matin, hein. C'est terrible, ça. Parce qu'ils disent que la couleur rose, ça renforce les stéréotypes, puis c'est pas correct, là, le rose, pour les filles, là. C'est pas correct, ça fait pas, là. Ça se peut-tu que ce soit les mêmes qui se présentent un soir aux danseurs à gogo, puis qui viennent complètement folles? Si, bon, faut que tu passes la vadrouille sur le plancher après, d'après. Ouais. Là. Parce que c'est... Que les bobettes beige double couture se ramassent dans les airs à tourner, puis à faire la spirale, là. Ouais. Ça se peut-tu que ce soit les mêmes? Oui. Et on vous présente le pompier Richard. Ouais.